Bonsoir à tous, bienvenue dans le Rockford Show. Ce jeudi 24 novembre, il fait bon dehors, il fait doux et ce soir nous avons un groupe tout doux pour vous. Ça s'appelle Magoa. Ça va vous mettre de la chaleur entre vos oreilles. Ils sont beaux. C'est moi qui fais du bruit. Waouh. Ouais, bah toi tu grésilles surtout. Ah, là, salut Tom. Là c'est de la merde. Salut Phil. Ouais, ils sont tout beaux et puis ils sont très barbus, très poilus, c'est mignon. C'est pour ajouter un peu de douceur. Ça me fait penser à un groupe qu'on a diffusé la semaine dernière, qu'on en parlera aujourd'hui. D'ailleurs, on fera gagner des places, je crois. Oui. Republic of Rock'n'Roll et qui parle de hipster. Exactement. Ouais, mais c'est des hipsters, c'est les hipsters du métal extrême, Magoa. Tu vas voir. Ça va être génial. Ça va les gars? Salut, ça va et toi, Phil? Bah écoute, très bien. Heureux de vous recevoir. On eh était bien à la release party au Dr. Feel Good. C'est ça. C'est bien amusé, on a bien bu. Ah oui, oui, hein, entre autres, ouais. Buvez avec modération, mais surtout avec plein d'amis. Allez au Dr. Feel Good et vous rencontrerez des gens sympas. Et pas seulement que des barbus, hein, je te le dis tout de suite. Hein. Ils sont pas tous barbus. Hein. Même ouais, si mais on invite jamais, donc je viens pas. Mais... Bah, monsieur a un métier de nuit. Monsieur se lève tôt le matin à 4h du matin. Mais monsieur sort, monsieur profite quand c'est même. C'est vrai, c'est vrai. Bon. Si c'était 4h du matin, c'est une grasse mat pour moi. on t'invitera alors. Donc ce soir, on reçoit Magoa qui nous sort un magnifique album, aussi bien visuellement que musicalement. Parce que sincèrement, on l'a quand même un petit peu dégusté. Même si j'ai pas encore, comme je vous le disais hors antenne, complètement digéré l'album parce qu'il est quand même assez varié. On va en parler. Il y a des morceaux qui rentrent bien dedans. Ouais. Et puis, il y a quand même ces parties très mélodiques que l'on retrouve chez Magoa et qui appellent l'auditeur à des moments de répit un petit peu et qui peut éventuellement se laisser aller à prendre sa douce dans ses bras et jusqu'au moment où c'est reparti. Là, elle peut prendre peur, mais justement, le monsieur est là pour la rassurer. Ah. On en parle tout à l'heure, l'album s'appelle Imperial et il vient tout juste de sortir, il est tout chaud. Et on parlera avec le groupe du futur déjà, du passé également et surtout du présent. Pour l'instant, on va vous débriefer un petit peu ce que l'on a écouté en ouverture d'émission. C'est très extrême. Oui, et c'est très sexe aussi. Puisque c'est tiré de l'album Porno Graffiti, mais cette fois-ci en live. C'est leur nouvel album, Porno Graffiti Live 25 Metal Meltdown, qui vient tout juste de sortir chez Loud and Proud Records. C'est sorti le 21 octobre. Un album live qui reflète bien ce qu'est le groupe actuellement. Le groupe avec ses trois membres d'origine, puisqu'il n'y a que le batteur qui n'a pas été réintégré. Et voilà, un groupe très en forme, on en parlait également en antenne, un guitariste virtuose, volubile, majestueux, et qui, ma foi, se révèle toujours surprenant, même si on connaît les titres, même si on connaît les solos, à chaque fois qu'on le voit, il se passe quand même quelque chose. Le groupe s'est formé en 1985 à Boston, aux USA, bien évidemment, et cet album live est tout simplement excellent. Alors, des albums live, on en écoute et on en a à l'appel, hein, puisqu'on va vous parler aussi de l'album live du groupe qui va venir tout de suite après. Mais franchement, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose, une ambiance, une énergie, même si on sait qu'aujourd'hui, tous les albums live sont retravaillés en studio, même pas seulement aujourd'hui, hein, dans le temps aussi. Celui-ci, ma foi, le travail a été très très bien fait puisqu'il garde son énergie live. Donc c'était pour fêter les 25 ans, bien évidemment, de Porno Graffiti. Certainement l'album emblématique, s'il doit en rester un, du groupe Extreme. Qu'est-ce que je peux vous rajouter d'autre? Je les avais vus sur la croisière Monster of Metal en février de cette année. Oui, c'est ça, février de cette année. Et le groupe m'avait cassé les oreilles, tellement le son était abominablement fort. Et là, ça fait plaisir d'entendre les morceaux avec un son que l'on peut régler à sa façon. Et surtout, ça ne sature pas, ça, voilà, c'est pas désagréable à entendre, parce que dans l'amphithéâtre qu'il y avait sur le bateau, on voyait les gens qui sortaient au fur et à mesure, tellement le son était inaudible. Alors que c'était l'un des seuls groupes de cette croisière qui ont joué à cet endroit-là, qui avait ce son assez inaudible. Voilà. Ce que vous entendez en fond sonore, le groupe s'appelle Wisdom, ils sont français, oui madame, ils nous viennent de Paris et ils nous font du métal symphonique. Et surtout, ils seront en concert, mon cher Tom. Tu me prends dépourvu là. Je te prends dépourvu, non, je te prends pas du tout, je te laisse. Hein. Donc ils seront en concert le 26, c'est-à-dire samedi. Hein, et c'est ce ça. Sera à Paris, où ça ? À la Boule Noire. Exact. Je te confirme. Merci de confirmer, parce que franchement. Hein, et bah, on a deux places à vous faire gagner au 06 81 01 28 34. Tu vois, j'arrive à suivre. Ça, c'est bien. Ça, c'est pas mal. Je vous ai pas demandé votre avis sur un groupe comme Extrême. Est-ce que ça fait partie de la culture Magoa ? Alors la culture Magoa, je n'irai pas jusque là. Par contre, un exemple parmi tant d'autres, un des plus fabuleux guitaristes Nuno de la scène rock de tous les temps. Donc des exemples à suivre, hein, clairement. C'est clair. Très bien. Vous achèterez cet album ? Je sais pas si j'achèterai cet album, par contre je vais clairement aller réécouter ce titre sur internet parce que c'était très très bien fait. C'est un super live. Ouais. Et c'est en fait ils ont repris l'album Porno Graffiti en intégralité. Ils ont toujours tout en live. Super. Nous allons passer à un autre groupe emblématique de la scène métal d'aujourd'hui, d'hier et certainement de demain, puisque ça fait quand même un sacré bout de temps qu'ils existent. Le groupe s'appelle Metallica. Hein, je crois que c'est la sortie on a entendu parler, qui était assez attendue. Alors elle a déçu certains, il y en a d'autres qui attendaient rien, ils n'ont pas été plus que ça déboussolés. Puis il y a tous ceux qui attendaient vraiment quelque chose d'énorme. Et il y a ceux qui sont contents et puis il y a ceux qui sont pas contents. Est-ce que vous avez déjà jeté une oreille sur cet album? Un petit peu, mais bon, nous on fait partie des gens qui attendaient du coup Les critiques ? Pas vraiment. qui attendait pas grand chose. Du coup, nous, il y a tout à découvrir. Y a tout à faire, tout à découvrir. Et ouais. On a le temps de voir si ça. En si tout c'est cas, dans ça, le bon a sens, l'air, ça a l'air vachement mieux que Death Magnetic déjà. Ouais. Enfin, en tout cas, de ce que j'ai entendu pour les 2-3 clips que j'ai vus la semaine dernière, ça a l'air déjà bien au-dessus de ce qu'ils ont pu faire il y a quelques années. Donc, apparemment, des retours aux sources assez marqués. Alors, on a un peu de tout. C'est-à-dire qu'on a des morceaux, on a l'impression qu'ils ont pris un chemin un petit peu prog. On retrouve un petit peu d'influence Iron Maiden. On retrouve un peu d'influence de chez Master of Puppets. Bon, c'est un petit peu de l'autoplagiat, diront certains. C'est ce que j'ai réussi à lire sur certaines critiques. Pour ma part, je trouve que cet album, j'attendais rien de Metallica. Sincèrement, j'attendais plus rien de Metallica. Un petit peu à l'instar d'ACDC, où on n'attend rien, on sait qu'il y a un album qui va sortir. Bah, s'il est bien, il est bien. S'il est pas bien, on attendra le prochain. Sauf que pour Metallica, effectivement, comme pour ACDC, il faut attendre longtemps avant qu'il y ait quelque chose de nouveau. C'est sûr. Et là, l'album Hardwire to Self-Destruct, pour ma part, je l'ai trouvé. Alors, il y en a qui vont crier au scandale, je l'ai trouvé bien. Il y en a d'autres qui disent c'est pas bon. C'est pas bon pour un Metallica. Un album de Metallica ne doit pas être juste bien. Moi je trouve que c'est quand même pas mal. Ils sont jamais contents. Ils sont jamais contents. Après il y a quand aussi quand t'as une carrière comme ça, voilà, 35 ans de carrière, ouais. C'est difficile. Et puis je me dis quand même que cet album est largement au-dessus. Si ça avait pas été Metallica, ça aurait été un autre groupe qui avait sorti cet album, on aurait peut-être crié au génie. Parce que aujourd'hui quand on voit la publication de certaines productions, on se dit que je préfère avoir des albums moyens comme ceux-là que des albums pas terribles du tout, comme ceux qu'on nous envoie, par exemple, je ne parle pas de Magoa, certains albums qu'on nous envoie et qu'on diffuse quand même, puisqu'on est une radio, et tant qu'on nous envoie les albums, on les diffuse, quoi qu'il en soit. Et voilà, moi j'ai aimé cet album, on va vous passer le premier titre de l'album qui sonne comme une mitraillette, ça s'appelle Hardwired, et franchement moi, je trouve que vraiment excellent. C'est sorti chez Blacknet Recordings, donc c'est le label de Metallica, donc Metallica s'autoproduit également comme beaucoup de gens aujourd'hui. C'est sorti le 18 novembre, c'est leur 10e album studio. Il comprend deux albums, donc avec, je crois que ça doit être 13 titres en tout. Non, il y a 12 titres, plus 13 titres live sur la version Digipack Deluxe. Ils ont pas chômé, c'est bien. Non. Et puis, voilà, moi je trouve que c'est très très bien. Et c'est le premier effort sur leur propre label. C'est du thrash metal. Vous savez tous d'où ils viennent. Tiens, ça va être la question de ce soir. Si vous voulez gagner des places, pas pour aller voir Metallica, non, mais si vous voulez gagner des places de concert ce soir, on vous demande d'où vient Metallica, de quelle ville. Hein. Voilà, on enchaînera ensuite avec un groupe canadien. Ça va nous permettre de dire bonjour à Radio Biz, qui nous retransmet en direct au Québec. Et en intégralité, enfin presque. Et en intégralité, presque. Et surtout, ils nous rediffusent le soir chez eux à 20h40 et chez nous à 4h du matin. Hein, donc si vous voulez réécouter cette émission, vous pouvez l'écouter également aujourd'hui sur Air Radio. Oui. Hein, puisqu'ils ont rétabli le faisceau. La connexion, on est revenu. Alors c'est marrant parce que le bout de Paris, ça passe pas, mais au Canada, ça passe. C'est de l'autre côté du monde. Étrange. Le groupe canadien dont on va parler ce soir s'appelle Inir ou Inire. À voir avec un accent. En tout cas, le morceau s'appelle Cauchemar, ce qui veut dire nightmare en anglais. Ouais, mais. Ouais, mais justement, vu qu'ils écrivent en français, mets le titre en français, le groupe en français. Ouais, mais sauf que Cauchemar chez nous, ça comprend un D, là, ça s'écrit sans le D. Voilà. Oui. Cauchemar, donc, tiré de l'album Cauchemar. Non, le groupe s'appelle pas Cauchemar, le groupe n'est pas un cauchemar. C'est vraiment très très bien foutu, c'est très bon. Ils nous viennent de d'où ils nous viennent? De Gatineau, donc du Québec. Et c'est un quintet qui s'est formé en 2007. Ils font du métal, voilà, c'est leur deuxième album. Au total, ils ont un EP plus deux albums, donc. Et puis, c'est pour les fans de Alice in... Alors, mélange de fans d'Alice in Chains, Lamb of God et Pantera. Donc ça fait un beau mélange. Un beau mélange. Et ma foi, moi j'ai vraiment craqué sur cet album. Donc Inire, ça s'écrit I-N-I-R-E. Alors à la française, Inire. Hein, mais je sais pas ce que ça veut dire réellement. Ça chante en... Je crois que ça chante en... Je me rappelle plus, mais je crois que ça chante en anglais. Hein, vous découvrirez ça de toute façon en l'écoutant le titre. Nous enchaînerons ensuite avec un groupe japonais. C'est ni bon ni mauvais. Ouais, je savais, il fallait que je la fasse. Hein, et c'est surtout c'est sans sushi à écouter. Hein, ça s'appelle Solitude. Le morceau s'appelle. J'ai pas dit au fait le morceau. Si, je l'ai dit. Le morceau donc de Solitude s'appelle Don't Need Mercy. Et c'est tiré de l'album Beneath to the Sky. Pourquoi tout? Non, Beneath the Sky, tout simplement. C'est sorti chez Test Your Metal Record. Ça va sortir le 25 novembre. Ils nous viennent de Tokyo, ils se sont formés en 1996 et ils sont considérés au pays du soleil levant comme étant l'un des groupes phares du métal japonais actuel. Donc à découvrir. J'ai également, je dirais pas craqué, mais j'ai trouvé ça assez intéressant dans la démarche et c'est leur troisième album. Nous terminerons avec un groupe suédois. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas passé de suédois dans l'émission. Je crois que ça date de la semaine dernière. Hein, comme d'hab. Comme d'hab. Québec, Suède, France, Allemagne. Ça, ouais. Et puis ni bon ni mauvais de temps en temps aussi. Oui, mais de temps en temps. Les Japonais, c'est vrai qu'on en passe rarement. Mais les groupes français, bah, c'est notre cam. Et puis les groupes suédois, allemands et canadiens, bah, c'est notre cam également. Sister s'appelle le groupe. Ils nous sortent un album qui s'appelle Stand Up Forward. Et le titre que l'on vous pose. T'as oublié March derrière. Ah, il y a March, excuse-moi. Alors vas-y, je t'écoute. Ah non, je te laisse faire. Stand Up Forward, March. Et le titre que je vous propose de découvrir s'appelle Lost in Line. Je crois que ça doit être un clin d'œil à monsieur Ronnie James Dio. Je suis pas sûr. Sachez en tout cas que c'est du. Ça sort chez Metal Blade. Ça sortira également le 25 novembre. C'est un quatuor de glam rock, mais très burné. C'est-à-dire, vous prenez les hardcore superstars et vous leur mettez des fusées aux fesses. Et vous allez voir, ça dégage pas mal. Hein. Ça nous vient de Stockholm. Le groupe s'est formé en 2005. Et je vais laisser découvrir ce morceau à nos invités. Et on en parlera après. Écoutez bien un petit peu ce qui se passe musicalement. Avec plaisir. Voir si vous vous retrouvez dans un des styles ou un des groupes que l'on vous diffuse ce soir. On envoie la musique, on vous rappelle le numéro de téléphone 06 81 01 28 34. Et on se retrouve tout de suite après. go back there. My stride is longer today. I won't remember how to walk this land. The landscape and the weather, the accent and the smell. De retour dans les studios, vous êtes toujours à l'écoute du Rock for Show sur Radio Biz et R Radio. Non, Radio-Québec.biz. Radio-Québec.biz. Arrête de dire Radio Biz. Non, parce que c'est Radio Biz, avec, 3, avec 5Z. Oui, non, mais c'est Radio-Québec.biz. C'est Radio-Québec.biz. C'est Radio Zorro. Bon, allez, qu'est-ce qu'on a écouté? Plein de choses. Bah, dis-nous. On écoute conscience. Non, on écoute conscience. Mais on va revenir, on va revenir là-dessus. T'as conscience quand même que tu viens de mettre un coup de mou à tout le monde. Tout le monde était là. Il va être sincèrement, Mathieu va être content quand tu vas lui dire que il a mis un coup de mou. Ouais, Mathieu comprendra très bien. Voilà, et on l'a reçu. Allez, il y a quelques semaines. Au lieu de raconter des bêtises, dis-nous ce qu'on a écouté. On a rien écouté du tout. T'as rien écouté, c'est sûr tout ça. On a écouté le nouveau Metallica, notamment avec Hardwire, extrait de l'album Hardwire. Et juste après, Inner Cauchemar, extrait de l'album Cauchemar. Cool. Solitude. Non, c'est pas Solitude. Si, mais si, si, c'est, si, si. Mais si, c'est Solitude si, quand c'est même. Solitude. Mais c'est pas extrait de Solitude. Non, c'est extrait de Beneath the Sky. Voilà, avec Dante Merci et Sister pour finir Last in Line. Voilà, on va demander l'avis des téléspectateurs. Non, l'avis du groupe Magoa qui a écouté avec nous en fil rouge. Religieusement les titres que l'on a diffusés ce soir. Alors, qu'avez-vous pensé de tout ça? Ah bah le Metallica est vraiment pas mal hein, ce titre là on l'avait déjà entendu donc ça c'est un bon titre. Voilà. On discutait justement en antenne, on disait que ouais en même temps ils font du Metallica et puis, voilà. Même si on a l'impression que c'est un retour en arrière, mais ce serait dommage de leur reprocher leur style quoi. Donc, voilà, c'est bon, ça. Ils font du Metallica. On leur a tellement reproché que maintenant qu'ils le font. C'est ça. C'est très bien, non, mais ça sonne. Alors ensuite avec ça sonne Justice for All, c'est cool. Ouais, les Canadiens qui chantent en anglais et en français. Bah c'était pas mal hein, c'était assez ouais, intéressant, c'était cool, ouais. Côté néo est sympa. Ouais. Mmh. Alors Cauchemar, on en parlait aussi en antenne, c'est également un groupe canadien qui s'appelle Cauchemar et qui était à Paris la semaine dernière et qui nous a fait un très très bon show au club. Voilà. On fait un petit clin d'œil à la chanteuse Annick et puis à son groupe. Et puis on lui dit bah s'il y a des concerts à faire au Canada, bah Magoa est prêt à y aller. ADX aussi, puis d'autres groupes, hein, tous les groupes français sont prêts à traverser l'Atlantique pour aller jouer au Canada. Carrément. Solitude, les Japonais. Je connaissais pas du tout, mais ouais. Hein oui, ouais, j'ai trouvé vachement. C'était pas mal. Motorhead dans l'esprit. C'est ouais, vachement heavy metal. C'est un truc. J'étais très fan de. J'ai été très fan de heavy pendant très longtemps. J'ai beaucoup de mal à en écouter maintenant, mais, mais bon, c'était bien fait. C'était bien fait. Et Sister de glam rock un peu. Ça c'est plus macabre ça. Hein ça c'était cool. Ça c'était pas mal hein. Ouais. Avec des petits ouais des ponts qui ressemblaient un petit peu. Ouais, on retrouvait un petit peu du Murder Dolls, on retrouvait un petit peu du Lordi, un petit peu dans la façon de poser les voix, des choses comme ça. Hein voilà. Eh bien, tout ça, vous pouvez aller chez votre disquaire préféré et puis les acheter, puisque, enfin, à part les deux derniers qui ne sortiront que le 25, mais ça vous permet de faire quelques petites économies. En plus, le 25, ça doit être pas loin de la paye. Donc, allez-y, hein, achetez, faites vivre la scène métal, faites vivre les groupes. Ce que vous entendez en fond sonore, comme l'a dit Tom. Conscience. Voilà, et pourquoi on passe conscience? Parce qu'ils seront au PMFF le 6-7 janvier à Ristorangis, mais... Non, ils seront pas le 6-7 janvier, ils seront que le 7. Ouais, enfin, bah, et après, ils seront là, peut-être là dans le public. Il y a intérêt d'être là, ouais. Parce que sinon, j'irai chercher par un pot des... Non. Donc, ils seront là le 7 janvier, mais avant ça, il y aura une release party, enfin, une pré-partie PMFF le 8 décembre, ce sera un jeudi. Donc, on vous dit... Donc, on sera à l'émission. On sera dans l'émission le 8, hein, mais voilà, bon, on vous le cache pas. Ça sera on sera au PMFF aussi. Ça sera enregistré le 7. On sera tous au Dr. Feelgood. À la pré-partie, on vous réserve quelques petites choses. Il y aura certainement des goodies, mais il y aura également les places en vente, les places physiques. On a ramené... Tu as ton beau pass? Oui, il est en photo sur page Facebook. Ah, tu l'as mis, d'accord. Tu t'es vanté d'avoir ton pass. Non, hein non, non, même pas. Même pas, non. Non, j'ai mis dans, caché parmi la programmation. Ah, ouais. D'accord, c'est bien. J'ai pas... Non, loin de moi de faire ces choses-là. Bon, il est beau, il te plaît. Il est magnifique, bon. Franchement. Ouais. Je vais l'afficher, je crois que j'ai en faire un poster. On fera peut-être gagner, tiens, des passes... On fera peut-être gagner des passes souvenirs. Hein. Vous n'aurez pas le droit d'aller partout parce que c'est quand même 41 groupes à gérer, il nous faut de la place. Hein, donc on pourra pas vous mettre dans les coulisses. On vous les donnera après. Après, voilà. Vous pourrez les gagner là et on vous les donnera après. Alors Conscience sera donc le 8 décembre au Dr Feelgood, qui se trouve au 37 rue Quincampoix, métro Hôtel de Ville ou Châtelet ou RER Châtelet-Léal. Ils seront pas tout seuls, ils seront avec Asylum Empire et Freaky Time qui viendront tous les trois faire une session live électrique. Pour présenter, puisque les trois groupes seront au Paris Metal France Festival. Oui. Asylum Empire et Conscience seront le samedi 7 janvier. Et Freaky Time, si mes souvenirs sont bons, seront le 8 janvier. Donc au plan Harris Orangis, dans le 91. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire ? C'est tout, hein ? On va passer maintenant à la suite de la programmation. Avec Rock'n'Roll, Republic of Rock'n'Roll, ouais, qui seront Rock'n'Roll of Republic aussi. Ouais, on peut le mettre dans tous les sens, ça marche aussi. Et ils seront surtout en concert dimanche. Yes, hein, dimanche, et c'est à la Boule Noire. Ce sera à la Boule Noire, mais ils seront pas tout seuls, hein, apparemment. Ils seront avec des amis à eux. Ils seront avec Dope Out. Ils seront également avec The Burn et The Shift et Redshift. Redshift, voilà. Donc on a des places à vous faire gagner au 06. 81 01 28 34. Donc vous nous appelez pendant le titre Republic of Rock and Roll. Et la semaine dernière, on a dit d'où il venait. Non, vous nous appelez pas, vous nous envoyez oui, des SMS. Oui, vous envoyez un SMS, bien évidemment. Vous envoyez tu un petit SMS. Tu veux te harceler, toi? Ouais, non, mais j'aime bien aussi. Ah, bah, je sais. Quand le téléphone sonne, maman est près de toi. Il faut lui dire maman, c'est quelqu'un pour toi. Les gars, vous pouvez m'aider à ce. Quatrième étage, c'est bon, on peut le faire. Ah, oui, d'ici. Oh, oui. C'est bon. Avec un élastique alors, hein. Que je puisse remonter pour présenter la suite. Des... On n'avait pas l'élastique, mais on peut s'arranger. Bon, Republic of Rock and Roll. Donc, si vous voulez gagner des places et aller les voir gratos grâce au Rock for Show, c'est dimanche. Eh bien, vous nous envoyez un petit texto au 06 81 01 28 34 en nous donnant la nationalité du groupe et surtout d'où ils viennent, de quelle ville. On l'a dit la semaine dernière, et puis bon, avec Facebook et tout le reste, vous pouvez aller voir. Et puis avec le podcast aussi. Hein. Exactement. On va écouter le morceau Rocking Boy, tiré de leur album Upside Down, qui sort là, le 25 novembre, chez M&O Music. C'est du power rock, toi aussi tu vas finir avec l'élastique. À mon avis... Si c'est ma goa, ça fait un si les Beats vont prendre la... On va finir l'émission pour vous, les gars. Voilà. Juste vous dire que Republic of the j'allais dire Republic of Destruction, c'est un autre groupe ça. Republic of Rock and Roll ont sorti un morceau sur cet album qui ne s'appelle pas Dream On et qui est pourtant la reprise de Aerosmith Dream On, mais ils ont voulu faire un clin d'œil à Eminem, chercher l'erreur, qui eux aussi ont repris ce morceau là en ne l'appelant pas Dream On mais en l'appelant je sais plus comment. Sing for the moment. C'est ça. Voilà, exactement. Ah, c'est pas vraiment une reprise, mais c'est un sample. Tandis que là, c'est carrément la reprise. Hein. C'est les paroles, c'est tout ce qu'on veut, c'est l'air, c'est tout ce qu'on veut. Mais ils l'ont pas appelé comme ça. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre ? Eh bien, c'est tout. On va passer au groupe qui suit. C'est Freaky Time, qui sera également avec Conscience et Asylum Empire le 8 décembre, donc au Dr Feelgood, 37 rue Quincampoix, pour la session live. Donc vous pourrez les voir. Ce soir, on vous diffuse un titre pour que vous vous aperceviez un petit peu de quoi il en retourne. C'est un duo mixte, un quatuor mixte de filles, de gars. C'est excellent. Ils étaient venus dans le Rock for Show nous faire une session live. Ouais, mais on aurait pu passer un titre acoustique par exemple. Mais bon, t'as mis un titre live. Non, je préférais mettre un titre de leur. De leur EP 5 titres qui s'appelle Time to Go et le titre s'appelle MFC. MF Song, non, mais pas MFC. Bah oui, ça aurait pu. Hein, moi j'y ai pensé. C'est moi. MF Song, Motherfucker Song. Mais justement, on l'avait parce qu'ils l'ont diffusé, je crois qu'ils l'ont fait en acoustique. Ils l'avaient joué ouais. C'est une autoprod, c'est sorti en avril 2016. Ils nous viennent de Charleville-Mézières et le groupe s'est formé en 2015. Voilà. Et ils seront donc au Paris Metal France Festival le 8 janvier. Et ils seront avant tout au Dr Feelgood pour la release, pour la pré-partie du PMFF le 8. Ne les ratez pas. C'est eux qui ouvriront la soirée d'ailleurs. Hein, donc ne les ratez pas. La soirée commence à partir de 19h30 au Dr Feelgood, 37 rue Quincampoix. On finira ensuite cette programmation musicale avec nos invités du soir, le groupe Magoa. L'album s'appelle Imperial et le titre, je vais les laisser le présenter. Alors le titre, si j'ai bien compris, ce sera Resistance. Resistance qui est le premier single qu'on a sorti donc pour Imperial. qu'on a sorti début septembre. Et Resistance était notre premier choix car c'était un morceau qui tranchait réellement avec ce qu'on faisait avant. Et on avait envie de repartir sur une nouvelle base pour que les gens se rendent compte qu'Imperial était pas, était, en, voilà, était un nouveau visage de Magoa. Différent et... de tout ce qu'on avait pu faire avant, oui. Voilà, exactement, c'est ça. Donc on espère que ce nouveau visage de Magoa sera bien accueilli aussi. Vous avez eu des retours justement sur la diffusion de... Il y a un clip qui a été fait sur Resistance, ouais. Ouais, ouais. Est-ce que vous avez eu des retours des anciens fans, justement? Parce que les nouveaux, bah, ils découvrent, donc soit ils aiment, ils peuvent vous faire des retours également, mais sur les anciens. Les anciens fans ont l'air d'apprécier. Ouais. On a eu que des bons retours pour l'instant. Alors, il y en a qui ont préféré Topsy aussi, c'est vrai. Enfin, il y en a qui préféraient l'album d'avant. Il y en a qui sont très bien surpris au final par le reste de l'album, parce que Resistance, c'est pas forcément le morceau le plus représentatif non plus. C'est celui qui va le plus vite et qui... Il déménage. Voilà. Et qui, il fait le ménage autour de lui. Donne un aperçu, si tu veux, mais après, c'est vrai que l'album est pas non plus... est pas non plus linéaire, donc il y a quand même pas mal de choses différentes. Dans l'ensemble, c'est très très positif, quoi, que ce soit, ouais. Que ce soit des fans, des reviews, des médias qui nous suivent depuis un moment. Enfin, pour le moment, on est vraiment content en tout cas. Ouais, on est très heureux de l'accueil d'Imperial. Alors, l'album sort sur 10 to 1 Record. Il est sorti le 14 octobre. 14 octobre. C'est bien, ouais. Ça. Hein, ouais. Et puis, on reparlera avec le groupe tout de suite après. On va d'abord vous laisser écouter. Hein, pour ceux qui ne connaissent pas encore Magoa, on peut vous dire que c'est de la bonne cam. Sinon, on les recevrait pas dans l'émission. Hein, vous avez payé quand même. C'est ça en fait, c'est parce que tu... Vous avez payé ? Je croyais qu'il fallait pas le dire, ça. On dit tout, on est une émission politiquement incorrecte, on dit tout, nous sommes payés par les groupes pour qu'ils viennent dans les émissions. Bah heureusement quand même, parce que putain... Heureusement qu'il y a des groupes qui viennent, hein, parce que la semaine dernière on n'a rien mangé pendant une semaine. Là on va pouvoir manger et tout, ça va être... On avait encore des panades dans le jardin. Vous demandez 4000 euros quand même. On n'a pas encore sorti le champagne, mais bon, ça se mérite, non? C'est rock, c'est fort, c'est chaud, c'est le rock fort chaud, quoi, je veux dire. Excuse-moi, il y a un studio à payer quand même, quand merde. Allez, on démarre donc avec Republic of Rock'n'Roll. On continue avec Freaky Time et on termine, mais l'émission n'est pas terminée, avec Magoa, et on se retrouve tout de suite après. N'oubliez pas, 06 81 01 28 34, vous nous donnez le lieu de naissance du Republic of Rock'n'Roll si vous voulez gagner à la maternité. Musique. En clinique. When I was big city, bright lights. Living my life on the night. Living my life on the night. You and me, there is nothing more than a diamond is, and no blue can. De retour dans les studios, au doux son de Magoa. Ouais, un marteau piqueur. Ah, on dirait des ouvriers là qui sont en train de façonner un album qui s'appellera Imperial par exemple. Ah, et là il y a un ouvrier, il est pas content. Là il y a un ouvrier, il... Bon, allez, le groupe est là, le groupe est dans les studios, vous les attendiez. Le groupe c'est Magoa, l'album c'est Imperial, nous avons écouté Resistance, mais avant ça nous avons écouté Republic of Rock'n'Roll. Qui seront en concert dimanche soir, vous pouvez gagner des places au 06 80 01 28 34. En envoyant un petit SMS en nous disant d'où vient Republic of Rock'n'Roll. Et puis il y avait ensuite après Freaky Time qui seront en concert avec Conscience le 8 décembre au Dr Feelgood, 37 rue Quincampoix à Châtelet. Et maintenant nous allons reparler de Magoa, nous allons déjà les présenter. Ils nous viennent de la région parisienne, hein, Hermont. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? C'est le troisième album. Alors ça par contre c'est... Ouais. On dit toujours que le troisième album, c'est l'album de la maturité. Hein, il paraît. Alors, est-ce que vous vous sentez mature? Très mature. C'est très, très mature. On a appris à faire nos lacets tout seul récemment. Tout a changé dans notre vie. Hein. C'est vrai que... Non, plus sérieusement, oui, c'est vrai que c'est le troisième vrai album avec un EP au milieu en 2012. Donc c'est un peu un tournant parce que c'est surtout le fait que c'est le premier album en fait qu'on réalise par nous-mêmes de A à Z entièrement, voilà. Avant on avait l'habitude de travailler avec un ingénieur du son, avec un producteur qui nous drivait si tu veux dans le processus créatif et qui s'occupait donc du mix, du mastering, etc. Et là donc c'est la première fois cette année qu'on réalise un album, donc c'est Vincent et moi qui sommes occupés de l'enregistrement, du mix, du master, de A à Z, tout émane de Magoa, voilà, tout. Ouais. Alors est-ce que c'est plus difficile ou est-ce qu'on prend un peu plus le temps justement parce que on fait tout soi-même et on se dit bon, on sortira quand ça sera abouti. Est-ce qu'on refait plus de choses parce qu'on est moins pris par le temps ou... Non, c'est il faut on s'oblige à se caler des deadlines parce que sinon non. C'est pas possible. Il faut se discipliner, ouais, il faut se mettre des deadlines. Et voilà, Vince et moi, ça fait un moment qu'on travaille dans le son. On a notre studio, etc. Et donc on a l'habitude, si tu veux, de travailler avec des groupes et de s'imposer ce genre de deadline et de comment dire d'exigence, ouais, de méthode. Maintenant oui, c'est vrai que c'est pas évident de faire ça pour soi-même, c'est surtout pas évident d'avoir le recul nécessaire pour savoir quand est-ce qu'on prend de mauvaises directions, il faut savoir s'arrêter aussi. Oui, ça fait. Vous avez fait ça en totale autarcie ou est-ce qu'il y avait des gens qui sont venus en cours de composition? Aucun intervenant extérieur. Zéro. C'est vraiment enfermé, quoi. Ouais. On a toujours fonctionné comme ça. On s'enfermait pendant une certaine période. Donc, ça peut vous 4, 5, 6 semaines en général pour composer un album. On n'a jamais eu grand-chose avant d'arriver en studio. Et on compose tout sur le tas, en fait. Sauf que cette fois, on était vraiment que tous les quatre. Ouais. C'est pour ça, quand tu parles de temps tout à l'heure, en fait, on n'a pas pris plus de temps que d'habitude parce qu'on le faisait déjà et on a tout enregistré et composé en un mois. Donc, ouais, c'est ça. Et ça a toujours été, donc on n'a pas pris plus de temps que d'habitude en fait pour l'écrire ou pour l'enregistrer ou quoi. Alors contrairement à d'autres groupes qui composent dans une certaine longueur, dans un certain laps de temps, et souvent c'est vous mettez des deadlines et vous rentrez et vous dites bon, on a de telles dates, enfin de tant de temps pour composer. Alors 12 titres quand même sur cet album, ce qui est un peu plus qui ont été écrits même d'ailleurs, peut-être une quinzaine au total je pense. Donc il y a un single avec des faces B qui vont sortir, super, merci les gars. Non, probablement pas, parce que si on les a écartés c'est parce qu'ils n'étaient pas forcément nécessaires dans le déroulement de l'album, donc c'est pas... Voilà, maintenant, oui, on a toujours fonctionné comme ça, écoute, et là, cette histoire de période, c'est aussi, pour moi, pour nous, un album, il doit s'inscrire, ça doit être un instant T, si tu veux. Alors oui, ça met beaucoup de temps à sortir, oui, après, il y a le mix, oui, après, il y a le pressage, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses qui prennent du temps, et cet album, on l'a terminé, nous, Vincent et moi, on a mis le point final en octobre dernier, si je dis pas de bêtises, donc ça fait un an, quand même, quasiment. Enfin non, ça fait un an, mais... Il est sorti un petit peu avant. Donc oui, c'est beaucoup de préparation, mais c'est l'après qui prend beaucoup de temps. Après, nous, cet album devait marquer vraiment un moment de notre vie. De la carrière carrière, oui, enfin de notre vie, on peut, en tout cas. On peut cas, parler même de carrière quand même, parce que c'est quand même votre, c'est pas seulement votre passion, c'est aussi ce pourquoi vous, entre guillemets, on va dire, vous existez. Oui, oui, bien sûr, oui, bien sûr. Non, bien sûr. Non, mais je veux dire aussi individuellement, c'était une période de nos vies qui était différente de ce qu'on vivait il y a 3 ans en 2013. On est dans un contexte différent, le monde a changé, la vie a changé, et c'est pour ça que du coup la musique a changé. C'est un exercice qu'on aime aussi, partir de zéro, studio tous les quatre et composer des titres toute la journée. On aime bien en fait avoir... On aime bien faire ça, parce que du coup tu as 12 titres que tu as composés sur le moment et justement pas sur une longueur de temps. Je pense que c'est contre-productif de passer 2 ans sur une création, que ce soit un album ou autre chose. Enfin, au bout d'un moment, disons que l'énergie est peut-être moins là quand on prend plus de temps. Une fois que tu le termines, c'est déjà passé, quoi. Enfin, t'as loupé le coche, quoi. C'est vrai qu'on entend des groupes qui disent on les a tellement joués, on les a tellement répétés ces morceaux, que pour nous c'est déjà vieux, c'est déjà de l'ancien matériel. Déjà, et puis tu peux aussi passer à côté de plein de choses, quoi. On a besoin que, surtout cet album, surtout Imperial par-dessus tout, et avait besoin de s'inscrire dans une période très précise, dans les l'époque qu'on vit en ce moment en France, pas qu'en France d'ailleurs, mais bon, pour nous, dans le monde. Voilà, en tant que Français, c'était important aussi que Imperial sorte le plus, enfin, en cohérence avec son époque, avec son temps en tout cas. Justement, parlons un petit peu de l'impact qu'ont eu les événements depuis on va dire 2 ans maintenant, hein, et je pense notamment à la tuerie du Bataclan. Qu'est-ce que ça a eu comme impact par rapport à ça, au niveau de la composition, au niveau des textes peut-être, et de la musique? Mais en fait, même pas, c'est une question qu'on nous pose assez souvent. C'est arrivé le 13 novembre, et le 13 novembre, en fait, l'album était déjà parti au pressage. Ouais. Donc il était déjà masterisé, il y avait tout déjà de fait. Donc non, ça ne nous a pas influencé pour l'écriture ou pour la composition. Par contre, on s'est rendu compte que tout ça en fait était cohérent. C'est pas fini, quoi. Voilà, maintenant effectivement, comme Divine, ça n'a pas été écrit pour ça. Malheureusement, on a été c'est assez terrifiant de voir à quel point on était dans le sujet et dans le contexte avec les textes, avec les messages que véhicule l'album, de se rendre compte qu'on n'aurait jamais pu être plus à propos en fait, et c'est terrible, mais on s'est rendu compte qu'il y a plus de limite, quoi. C'est pour ça que c'est intéressant de parler de la notion de temps, de quand a été fait l'album, quand il a été terminé, par rapport aux événements. Parce que sincèrement, moi qui n'étais pas au courant, on s'est dit il y a un besoin d'écriture par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à l'actualité, par rapport aux événements, alors que en fait c'était dans vos têtes déjà avant que. C'était déjà écrit, c'était déjà fait. Ouais, tout à fait. Non, il y a absolument pas, en tout cas, une volonté de surfer sur une quelconque opportunité, marketing ou quoi. C'était pas du tout le propos. Et tout ça a été fait avant. Et voilà, une fois de plus. Après, évidemment, bien sûr qu'on a été touché, parce qu'on on habite en région parisienne. On est sur une scène qui est pas grande. La scène rock, mais musique extrême en France, c'est quand même... C'est un microcosme. Voilà, c'est un microcosme. Donc évidemment qu'on a été touché, ou on a forcément connu des gens qui ont été touchés, et c'est et ça restera dans les mémoires pendant très longtemps. Ouais. Parlons un petit peu de cette magnifique... Enfin, moi, je ne tarie pas d'éloges sur la pochette, sur la cover. Et j'ai eu quelques petites indiscrétions hors antenne. Alors, parlez-nous un petit peu de sa naissance déjà, et puis comment s'est-elle inscrite dans la construction et la réalisation de cet album, parce que paradoxalement à ce qu'on pourrait croire, vous avez fait l'inverse de ce que font beaucoup de groupes. Comme je te disais tout à l'heure, justement, hors antenne, c'est que cette pochette, en fait, on a eu l'idée et même une première ébauche avant de rentrer en studio, avant de composer, en fait, le premier titre pour Imperial. Et le nom aussi, en Imperial, on savait que cet album s'appellerait Imperial, et on savait que ce thème, ça serait ça, et cette pochette, ça serait ça. Et donc on a demandé à Vincent du studio Abe of Chaos, qui fait nos pochettes depuis Topsy Turvydom, de nous faire en fait un premier jet de cette pochette avec ces idées-là. Et ça nous a plu, il a compris ce qu'on voulait, ouais. Et voilà, et du coup bah, on avait déjà ce visuel en composant, quoi. Alors est-ce qu'on peut le décrire, parce que là on fait de la radio, est-ce qu'on peut décrire un petit peu cette pochette pour les auditeurs qui n'ont pas encore vu la pochette Oui bien sûr, l'idée de départ, donc on savait que l'album allait s'appeler Imperial, on avait donc le thème, la ligne directrice. C'est pas un concept album, hein, c'est un album qui développe plusieurs thèmes mais autour du concept donc de la résistance et de la prise de conscience générale qu'il nous faut aujourd'hui. La pochette dépeint donc l'ancien régime qui couronne le nouveau via donc les mains de squelettes qui posent la couronne, donc la phase de couronnement du nouveau régime. Très bien, merci pour cette description. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on écoute un nouveau titre, parce que là, on entend en fond sonore le titre éponyme de l'album. On va quand même en parler un petit peu, parce que ce soir on va pas le diffuser, on le diffusera justement quand il y aura une nouvelle actualité au niveau de Magoa. On parlera des concerts bien évidemment. Au niveau de ce titre que l'on entend derrière, il y a plusieurs ambiances, plusieurs atmosphères, et ce titre qui, comme vous l'avez dit, vous aviez déjà la pochette avant d'avoir le titre, est-ce que il fallait absolument écrire un titre Imperial, il fallait qu'il y ait ce titre Imperial? La réflexion elle a germé un petit peu avant. J'avais gribouillé un refrain, si tu veux, pour ce titre au moment où on avait discuté du fait d'appeler l'album Imperial, voilà. Et donc on a commencé par celui-ci, et c'est ça qui nous a donné ensuite la vibe générale, on va dire, pour continuer l'album. Mais oui, il fallait un premier titre qui s'appelle Imperial et qui pose les bases, les fondations de la suite, ouais. Ah ouais. Et c'était l'exercice, c'était l'album s'appelle Imperial, et on va faire un titre qui s'appelle Imperial, et qu'est-ce qui représenterait le mieux ce mot-là en fait. Exactement. On va prendre une partie de là. Très bien, alors là on va pas écouter Imperial puisque vous l'entendez en fond sonore, et je vous promets qu'on le diffusera très bientôt, hein, peut-être même la semaine prochaine si vous êtes sage, si vous nous appelez en masse. C'est en tout cas, nous allons écouter un titre qui déboîte aussi pas mal, qui fait partie aussi, d'après ce que j'ai pu remarquer, parce que j'ai été voir aussi quand même, à un moment donné vous avez demandé quels sont les morceaux que vous préférez sur cet album, hein, sur votre Facebook, donc j'ai été voir un petit peu, et j'ai vu qu'Endlessly ressortait. C'est vrai qu'elle ressort pas mal. Oui, c'est vrai que ce titre a du succès. Et moi, je trouve aussi effectivement qu'il est très intéressant. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de sa construction et puis de son thème? Oui, moi, c'était clairement pas mon morceau préféré en ce qui me concerne. J'ai eu vachement de mal à trouver une manière de le chanter qui me correspondait et qui me plaisait. On a dû revenir dessus, enfin on revient pas éternellement, mais bon, on est revenu dessus un petit peu après en fait l'enregistrement. J'étais pas content du refrain, j'étais pas content des voix, donc on a refait toutes les voix du refrain, et voilà, on a réussi à trouver un compromis, si tu veux. C'est un titre, je pense, qui se rapproche plus de ce qu'on faisait avant. C'est peut-être pour ça du coup que les gens qui nous suivent l'apprécient. Voilà, je pense que c'est ça. Il y a ces riffs qu'on utilise, il y a ce refrain qui est un peu plus proche de ce qu'on faisait sur Topsy, peut-être moins déroutant, c'est peut-être pour ça. Que les gens ont plus eu l'impact sur ce... J'imagine, ouais, peut-être. Ouais. Je sais pas ce que tu en penses. Il y a une chose aussi que on en parlait tout à l'heure hors antenne, parce que avant que j'oublie, et quand on va reprendre, parce qu'on parle beaucoup hors antenne aussi. L'interview se passe en antenne en fait. Souvent. Non, bon, on pose. Vous entendez pas les bonnes choses en fait. Non, en fait, comme on l'a dit, hein, on fait que de la merde. Donc hors antenne, par contre, c'est bien. Hein, vous devriez venir hors antenne. Et je trouve qu'il y a les chœurs. Il y a beaucoup de chœurs sur cet album. Beaucoup de travail qui a été fait sur les chœurs. Alors, on parlait du côté un petit peu pas symphonique, mais orchestral, hein, qui a été développé sur cet album. Comment se sont fait tout le groupe à participer au chant? Comment vous avez fait ces chœurs? Parce qu'il n'y avait pas d'intervenant extérieur. Ah si, non, pour les gang vocals, oui. on a réuni 30 personnes. On a réussi à réunir une trentaine de personnes. Donc voilà, avec Martin le batteur et moi, donc on faisait les chefs d'orchestre, mm-hmm. Vincent enregistrait, et puis on avait donc 30 personnes qui nous ont aidés à scander tous ces refrains de la résistance. Voilà. Très bien. Et tout ça, vous l'avez filmé, les 30 personnes ? Non, on n'a pas filmé ça. Vous n'avez pas eu l'idée de filmer pour un vidéoclip ? En fait, on a fait le choix de pas communiquer sur l'enregistrement de l'album avant que ce soit terminé. Non, mais juste histoire de le garder pour après. Pour diffuser après pour un DVD surprise. Ou un clip ? Un petit clip ou je sais pas, pour... partager un bon moment parce que ça doit être un moment particulier. C'était très fun. 30 personnes, c'est fun. Tu gères pas ça en bah écoute, étonnamment ça s'est super bien passé. Moi je pensais par exemple sur The First Day, je vois qu'elle est dans la liste, donc elle va passer dans un moment. Le dernier titre là, qui conclut l'album, il y a une vraie mélodie, si tu veux, qui est chantée. C'est pas seulement des mots scandés sur une note, tu vois. Il y a vraiment, voilà. Donc je pensais que ça allait être super dur en fait d'arriver à synchroniser 30 personnes pour ça. Et ça s'est étonnamment super bien passé. On a pas galéré, quoi. Franchement, ça c'était top. Après, on a pris des gens qui savaient chanter aussi. Hein. Ouais, donc justement, la pour la grande 30, majorité, la sélection des 30 personnes s'est faite. T'es pas tous chanteurs, mais une bonne partie. Donc après, tu t'arranges, tu sais, t'en mets devant, derrière, tu mixes, etc. Mais, le rendu est cool. Ouais, mais en fait, t'as même pas besoin de cacher parce qu'au final, l'effet stade de foot, c'est ça l'intérêt, c'est qu'il y ait des gens qui soient pas toujours super en place, super juste, etc. Ça, c'est le but en fait. On voulait pas une chorale, on voulait une foule. Sinon, c'est une chorale. Mais en tout cas ça a un très bel effet, un très bel impact. Donc ce que je vous propose de découvrir, on écoute Endlessly, on se retrouve après. Alors écoutez bien quand même cette interview, hein, parce qu'il y aura une question si vous voulez rafler un album de Magoa, parce que voilà, c'est bientôt Noël, et ils sont venus avec une hotte, et il y a un album à gagner dedans, au 06. 80, 01, 28, 34. Mais pour l'instant, on n'a pas posé la question. Hein. Vous allez d'abord écouter cette émission suite. Et pour l'instant, on écoute Endlessly et on se retrouve tout de suite après. Musique. De retour dans les studios, vous êtes toujours à l'écoute du Rock for Show jusqu'à 21h30. Et nous saluons à nouveau nos amis québécois en espérant qu'un groupe tel que Magoa va avoir un impact sur vos oreilles. Et tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi il aura un impact sur vos oreilles? Vas-y, vas-y, dis-moi. Avec Caribou. Oh merde. Bon, l'élastique, vous le mettez long, mais long, long, long, hein. Merci Tom pour ton intervention, ma foi, assez sympathique, tabernacle. Donc Magoa, j'en revenais à ça pour le Canada, voilà un groupe français qui peut s'exporter et qui pourra exporter la culture métal française, si on peut appeler ça comme ça, parce que c'est plutôt une culture internationale hein, oui. que vous avez et que vous défendez. L'album s'appelle Imperial, et vraiment un très très bon album. Ce que vous entendez en fond sonore, on va vous le mettre un petit peu, c'est le titre qu'on avait passé la semaine dernière. Et nous l'avons donc passé la semaine dernière pour vous annoncer que le groupe serait là cette semaine dans le studio. Ils sont là en chair et en os et on continue à parler sur cet album Imperial. Tout à l'heure, on évoquait les chœurs qui sont vraiment dans cet album. On évoquait le fait qu'il y ait eu 30 personnes. Est-ce que vous allez réitérer, puisque apparemment vous n'avez gardé aucune piste, est-ce qu'il y a une autre idée de clip, de choses comme ça, ou pourrait être utilisé justement, où on pourrait faire appel à des amis, à des peut-être même des gens un peu plus connus, qui pourraient participer à un montage de clip? Alors, sur un des morceaux. On a des idées d'ailleurs de clips. On aimerait bien mettre en image d'autres titres. Maintenant, pour l'instant, c'est pas encore tourné. Ce le sera peut-être à un moment donné quand l'occasion se présentera. Mais pourquoi pas? Oui, c'est avec vrai plaisir. Que cette notion de foule sur l'album, les gens, etc. Mais... Après, est-ce que ce serait utilisé dans un clip? Je peux pas te. Ça, je sais pas. Après, on a fait le choix, par exemple, sur Resistance, de montrer une, enfin, d'imager, si tu veux, plus la chose, parce que après, y a plein de moyens de faire passer des messages. Donc bon, il y a pas forcément besoin d'une foule aussi pour exprimer la rébellion et la résistance. Donc, mais pourquoi pas? Oui, ce serait une idée à développer, hein, peut-être. Parlons un petit peu maintenant du travail, du travail de production d'un album lorsqu'on est groupe français, lorsqu'on veut s'auto-produire complètement. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que ça coûte cher déjà aussi de fabriquer un album, de sa composition jusqu'à sa réalisation et à sa mise dans le commerce? Est-ce que le travail qui avant pouvait être fait par une maison de disques, aujourd'hui c'est à vous de le faire? Comment ça se passe? Comment ça se matérialise? Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus simplement des musiciens, mais vous êtes également votre propre label qui doit prendre des décisions que prenait avant un label. Comment ça se passe aujourd'hui? Bah, c'est exactement ce que tu viens de décrire, c'est que le rapport de force est complètement inversé et les boulots aussi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a la très grande majorité des musiciens qui cumulent donc le boulot de auteur, compositeur, musicien, musicien de studio, parfois même, comme nous on le fait, ingénieur du son, mixeur, etc. Et en tout cas aussi la direction artistique, les décisions par rapport aux décisions, que ce soit artistique par rapport par exemple aux pochettes ou à la distribution, signer éventuellement des contrats de distrib, établir des plus ou moins des plans marketing, etc. Voilà, donc c'est ça, c'est qu'aujourd'hui le musicien cumule toutes ses casquettes à la fois et c'est fatigant. C'est intéressant. C'est surtout difficile en fait. Oui, c'est très intéressant, bien sûr. C'est passionnant. C'est passionnant. Nous, on a appris des boulots qu'on connaissait pas en gros depuis qu'on fait ça avec Magoa. Parce que autant aujourd'hui, avec Imperial, on a officialisé en gros l'étiquette 10-to-1 Records, autant le groupe est autogéré depuis le début. Hein. Depuis le premier jour, on n'a jamais signé de licence ou de. Enfin, d'artiste, ça existe même plus, mais sur un label. Donc. C'est un choix, c'est pas par dépit, c'est pas parce qu'on n'a jamais rien trouvé et que personne voulait de nous. C'est un choix de rester indépendant parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est un peu le seul moyen de garder une certaine liberté artistique et surtout que malheureusement la licence n'apporte plus rien quasiment à l'artiste. Donc on est dans le business a complètement changé, c'est très différent. Donc oui, il faut cumuler toutes ces casquettes là et oui, c'est difficile. Est-ce que c'est rentable aujourd'hui d'être musicien dans un groupe tel que Magoa? Je parle rentable financièrement parlant, je parle pas rentable au niveau du plaisir que l'on peut en retirer. Oui. Hein, parce que ça, je connais la réponse, oui. Je sais que là-dessus, vous vous y retrouvez au niveau du plaisir. Mais justement, pour expliquer un petit peu aux auditeurs, aux spectateurs qui viennent vous voir, comme quoi c'est important aussi de soutenir, pas seulement d'aller sur Facebook et de regarder un clip, mais également de soutenir un groupe en allant se déplacer en concert et en allant soutenir et en achetant aussi les préventes, parce que je suppose que sur certains concerts il y en a certains que vous organisez par ça, vous-même. Ça nous est arrivé. Et donc est-ce que vous pouvez nous expliquer combien il est important d'être soutenu par son public? En tout cas, je peux t'expliquer notre vision des choses. Notre vision a toujours été et elle sera toujours que on a toujours tout mis pour que nos réalisations soient les mieux possibles selon nos critères et selon nos capacités, et à chaque fois on a essayé de faire mieux que ce qu'on avait fait avant et on essaiera toujours de faire ça. Donc évidemment ça représente de gros investissements. Maintenant c'est une question de choix à faire. En fait aujourd'hui tu peux très bien décider de faire un album en prenant simplement sur ton week-end et tes jours de vacances à la maison dans ta chambre avec un ordinateur, c'est possible. Est-ce que tu vas avoir le meilleur des résultats, c'est une autre question, mais ça existe. Et voilà, une fois de plus, tout change. Nous, on a toujours surfé sur la vague. Fait en sorte, surfer sur quelle vague? Sur justement la vague du changement. C'est-à-dire avec toujours une exigence qu'on s'est toujours forcé à s'imposer. Quoi. On s'est toujours imposé un standard de qualité, si je peux parler. Si j'ose dire, et après, donc oui, ça implique de faire des choix. C'est pour ça aussi qu'on n'a pas, on n'a jamais signé de licence, parce que ces contrats nous auraient pas apporté grand chose par rapport à ce qu'on faisait de notre côté, quoi. Moi, la perception que j'ai du groupe depuis le début, c'est une espèce. Alors, tout à l'heure, on parlait de maturité. Donc, moi, je pense que la maturité, vous l'avez. Hein. De ce côté-là, il n'y a pas de problème. Même déjà depuis. Ça nous vieillit, donc ça va vachement changer, tu vois. Non, mais je parle de la maturité au niveau du. On n'a pas l'impression, en fait, qu'un groupe comme Magoa soit un groupe amateur. C'est-à-dire que dès le départ, ça sonnait. Il y avait un travail qui montrait que ce groupe-là était déjà dans le milieu. Du professionnalisme musical, et ça s'est vu sur scène quand j'ai été vous voir par trois fois, je vous ai vu déjà sur scène. Alors c'est pas énormément au regard d'un groupe d'aller vous voir sur scène, mais au regard de tous les concerts qu'on doit faire chaque semaine, c'est déjà bien. À chaque fois j'ai toujours vu le groupe sur scène agir et montrer un spectacle vraiment professionnel. C'est-à-dire qu'il y a un profond respect du public de par déjà vous sur scène, de par le backline, enfin le backdrop, de par tout ça. On voit qu'il y a quelque chose qui est travaillé. Comment travaillez-vous justement les prestations scéniques? Ce qu'on veut en fait sur scène, c'est comme l'album, c'est donner le meilleur possible en fait au public de Magoa. Nous, ce qu'on veut faire, c'est les meilleurs shows possibles. Et tout à l'heure, tu nous posais la question, par exemple, des dates, etc., hors antenne. Mais si pour le moment, on n'a pas annoncé de date publiquement là, jusqu'à la fin de l'année, c'est parce qu'on a envie de faire les choses bien en fait. On a envie de faire les meilleurs concerts possibles pour les gens en fait, qui soient juste contents de nous voir sur scène et que nous, on ait quelque chose à proposer. Et comment on travaille, en fait c'est comme disait Si tout à l'heure, en fait c'est qu'on s'impose une ligne de conduite, en fait, enfin une ligne de conduite. On est Oui, il y a une certaine discipline. Ouais, voilà, je pense qu'on est assez dur avec nous-mêmes, en fait, on s'arrête pas à une première étape, on se met des objectifs assez élevés, mais tout en restant tout en gardant du recul. Et ça, c'est pareil pour la composition, c'est pareil pour tout ce qu'on fait en fait au sein du groupe, soit la pochette, le clip. À chaque fois qu'on crée quelque chose et qu'on décide de faire quelque chose, on veut que ce soit le mieux possible. Et voilà, et c'est ce qu'on a essayé de s'imposer depuis le début. Et depuis, on a la chance, on a réussi à construire quelque chose depuis 2011. On va dire que le groupe est actif, que les concerts soient toujours de mieux en mieux, que ça se passe toujours de mieux en mieux, de pouvoir proposer à chaque fois quelque chose de plus intéressant possible au public, quoi. Donc c'est pour ça que ça aussi c'est une question de choix. Et il y a des choses du coup aujourd'hui qu'on ne peut plus faire, qu'on ne s'autorise plus, en partie aussi à cause de ça. Mais voilà, ça fait partie des évolutions et de la complexité du milieu actuel, quoi. Très bien, alors on a bien compris, pour voir Magoa, ce sera pas 2016 de toute façon, je pense que ça touche à sa fin, ouais. Mais ce sera plutôt en 2017. Mm-hmm. Donc on relaiera bien entendu les dates et puis on essaiera de venir vous voir sur une des dates ou même plusieurs. Merci. Et nous allons terminer avec ce qui m'est apparu comme étant le titre qui donne envie de réécouter cet album. Et ce qui tombe très très bien, c'est que c'est le dernier titre de l'album. Donc quand on arrive à la fin de cet album, on n'a qu'une seule chose avec une envie et qu'une seule chose à faire de toute façon, c'est vous appuyez sur repeat, hein. Et le dernier titre de cet album s'appelle The First Day. Et sincèrement, c'est vraiment un titre qui donne envie de remettre l'album et de se réécouter toutes les petites choses que l'on n'a pas pu choper lors de l'écoute précédente et que l'on arrive au fur et à mesure, parce que cet album, c'est pas un album que vous allez et vous allez certainement, pour les fans, l'aimer du premier coup, puisque c'est un groupe que vous soutenez, mais il y a un petit peu comme des tiroirs, c'est-à-dire qu'on ne chope pas toutes les complexités de cet album dès le départ. Et on a envie de se le remettre. Bon, en tout cas, moi, c'est ma perception des choses. Et The First Day est vraiment le titre qui donne cette envie. Bah écoute, on est très heureux d'entendre ça. C'était fait pour. On a réussi notre pari. Si ça te fait cet effet-là, on est très heureux que... Voilà, en tout cas, je dis jamais les choses que je ne pense pas. Donc, c'est vraiment quelque chose qui voilà, ça m'a merci vraiment interpellé. En tout cas, ouais, et voilà. En tout cas... Cet album s'appelle Imperial, le groupe s'appelle Magoa et c'est vraiment excellent. Donc on va pas les quitter parce qu'ils vont rester avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Mais par contre, on va se quitter avec cet album Imperial sur le titre The First Day et on se retrouve tout de suite après musique. Oh, retour dans les studios, il est 21h passé de quelques minutes, il nous reste plus que 20 minutes à passer ensemble avec Magoa et avec la programmation musicale du Rockfort Show. Il est 9h09. 9h09 ouais. 9-9 9-9 Nouf-nouf et 9-9 ouais, voilà. Ouais, les trois petits cochons. C'est bien. Et donc, nous écoutons en fond sonore, c'est The Devil Wears Prada. Il paraît que c'est comme ça, il s'habille en Prada. Eh bien, c'est sorti chez Rise Records en octobre 2016, c'est leur sixième album. Mais surtout, ils seront en concert. Alors, l'album s'appelle Transit Blues. Ils seront en concert dimanche. Qu'est-ce qu'il y a comme concert dimanche? Oh là là là là. Et ce sera à la Machine du Moulin Rouge. Ils seront pas tout seuls, ils seront avec Memphis Mayfire. Et Silverstein, voilà, donc vous pourrez aller les voir, 06 80 01 28 34 si vous voulez rafler des places. Il n'y a pas de question, il n'y a rien, juste un petit texto. Nous allons écouter Asylum Pyre, un album que vous connaissez déjà puisqu'il s'appelle Spirited Away. On avait reçu le groupe dans les studios, mais c'est surtout pour vous annoncer qu'ils seront avec Conscience et Freaky Time le jeudi 8 décembre au Dr Feelgood et qu'ils font partie de l'affiche du Paris Metal France Festival des 6, 7 et 8 janvier à Ris-Orangis au plan. Voilà, donc Spirited Away et ce sera le morceau Only Your Soul. Nous enchaînerons ensuite avec Malmort, groupe de la région parisienne également qui va sortir son nouvel album et qui seront dans les studios le 15 décembre, dans les studios du Rock for Show bien évidemment. Et nous allons écouter le titre éponyme de l'album qui s'appelle Baltrap. C'est chanté en français, ça sort, c'est une autoproduction qui sortira le 5 décembre. Donc c'est une petite exclusivité rien que pour vous, nous avons reçu ça cette semaine. Ils nous font du hard rock très bigarré on va dire et c'est leur deuxième album de 11 titres. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah rien, à part que Evenline va sortir son nouvel album en janvier 2017. Il s'appelle In Tenebris et aujourd'hui ils nous ont mis un teaser, un clip. Et il sort un peu avant aux États-Unis, je crois. C'est possible, j'ai pas lu la news, j'ai pas la date, mais il sort avant. Je crois qu'il sort le 1er décembre aux États-Unis. Peut-être, en tout cas, le titre que je vous propose d'écouter ce soir s'appelle Mon cher Tom. Star Jacket. Ouais, bah attends. T'es long. Je suis pas sur le start, ouais. Enfin, c'est pas ce que disait ta famille, hein, t'es long, mais bon. C'est Straight Jacket, très cher. C'est moi qui t'ai trompé, mais non, Straight non, Jacket. Straight Jacket, ouais, tout à fait. C'est Straight Jacket. Ça sortira donc le 20 janvier chez Do It Records. Voilà, c'est leur deuxième album. C'est un groupe de Paris. Et puis, bon, on va déjà écouter cette musique-là. On va vous poser la question aussi pour Magoa. Magoa a enregistré un album qui s'appelle comment déjà ? Imperial, je crois. Hein, c'est ça, hein, Imperial. Et le groupe n'a pas fait comme d'habitude, n'a pas fait comme tout le monde. C'est-à-dire qu'ils ont sorti cet album, ils ont composé cet album. Suite à quoi ? Qu'est-ce qu'ils ont fait en premier dans cet album ? Quel a été le premier jet de cet album ? Je peux juste vous dire que c'était pas musical. À la base. Voilà, je pense que. Hein, c'est, ça vous va comme question ? Le premier élément. Le premier élément album, de ouais. Imperial. Quel a été le premier élément de Imperial ? Et puis, pour ceux, la question subsidiaire, quel est le symbole de Magoa ? Vous savez tous un petit peu, pour les fans en tout cas, je sais que vous le connaissez. Donc, quel est le symbole de Magoa ? Ça, c'est la petite question subsidiaire pour rafler un album Imperial. Un indice, ce n'est pas la barbe. C'est pas la barbe. Non mais par contre il y a plein d'auditeurs qui font oh la barbe Philemol, fais-nous écouter de la musique. Donc on va passer à Asylum Pyre, on enchaînera avec Malmort et on terminera avec Evenline. Evenline. Musique. Tout le monde est parti. Ah c'est parti. Allez, musique.

Groupe norvégien qui s'est formé en 2007, qui nous fait du black trash et surtout qui seront en concert. En concert, c'est quand? C'est le 29 à Paris, à la Maroquinerie. Ils seront pas tout seuls puisqu'ils seront avec Skeleton Witch et puis des guests. Alors, les guests, on revoit toujours Guest, un grand groupe qui fait beaucoup de concerts, beaucoup de dates. Hein, beaucoup de dates. Voilà, donc vers l'Artac, on va se quitter même et là, deux minutes là-dessus. Oui, donc on va juste dire où on peut trouver l'album de Magoa. Eh bien, dans toutes les bonnes Fnac, Gibert et compagnie de France et de Navarre, via Season of Mist. Et puis, si vous n'êtes pas en France et en Navarre, sur notre site internet magoamusique.com. Et voilà. Surtout, ne soyez pas avare non plus, hein, parce qu'il faut, hein, faut même si vous êtes de parce France, qu'il est très très cher. Ouais. Il est très très cher. En tout cas, merci, bravo. C'est un magnifique objet. Bah, merci et à vous, on a vraiment apprécié au Rock for Show. Merci et... de nous avoir reçus. À la prochaine pour un album live maintenant, parce qu'au bout de 3 ans, un qui sort, puis le DVD, un best-of. Un best-of. C'est vrai, j'ai oublié les best-of. Maxi best-of. En tout cas, merci beaucoup. On va se finir quand même. Allez, avec Fink. Ça te. On l'envoie On l'envoie, c'est chaud. Et la semaine prochaine, on se retrouve dans les studios pour un spécial PMFF Part 1. Et puis on voilà, c'était le rock. C'était fort. C'était chaud, c'était le Rock for Show. À la semaine prochaine. Bye bye. Merci Magua.